Chapitre deuxième. Droit sur New York. Dès qu'ils se virent en pleine mer, l'ingénieur et son patient tinrent conseil quant à la route à suivre. « Maintenant, dit l'ingénieur, il ne s'agit pas de perdre le nord, au propre comme au figuré. Il est entendu que nous devons atteindre le continent américain. Mais avez-vous une préférence pour tel ou tel point d'atterrissage ? Est-ce que ce détail a de l'importance ? Fichtre, oui. Voilà une question qui me prouve que vous ne serez jamais qu'un géographe de pacotille. Ce détail, qui vous semble négligeable, se traduit tout simplement par environ 1100 km à faire en plus ou en moins au-dessus de la mer. Tant que cela, certainement. Imaginez que nous suivions sans dévier une ligne allant directement de l'est à l'ouest et partant du Finistère. Nous arriverions droit à Terre-Neuve. Or, en longitude, Terre-Neuve est à environ 10 degrés plus à l'est que New York. Oui, mais c'est une île. Et puis après ? On peut y atterrir pour se reposer et repartir après, soit au Labrador pour gagner New York par terre, soit aller directement à New York par air. Je crois qu'ainsi le voyage serait plus long en somme, mais ce serait 1100 km de moins à faire au-dessus des flots. Très bien. Mais tout mauvais géographe que je sois, il me semble qu'en piquant droit sur Terre-Neuve, nous ne nous trouvons pas sur la route habituelle des navires, non. Et qu'à peu de choses près, nous suivons cette route en ayant New York comme objectif. Oui, à l'estime, nous allons rejoindre ce soir la route habituellement suivie par les transatlantiques. Et comptez-vous à votre tour ce détail comme négligeable ? Ma foi, répondit l'ingénieur après avoir réfléchi un instant, il y a du pour et du contre. Aussi, je vous laisse le soin de décider de la chose. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, piquons droit sur New York. Cela a toujours été ma première pensée, celle sur laquelle on ne doit jamais revenir, dit-on. Marchons pour New York. Notre route va donc être ouest, car sud-ouest. Évitons surtout de descendre trop au sud. Mieux vaut se tromper en moins qu'en plus dans cette direction. Il y eut un instant de silence pendant lequel les deux hommes écoutèrent le bruissement de l'hélice et le ronronnement du moteur, de ce moteur qui était l'âme de l'appareil. À quelle vitesse volons-nous ? Demanda sans patience. Il est difficile de le savoir exactement. Le moteur doit nous donner une vitesse de 100 km à l'heure, mais le vent nous aide et nous ne devons pas être loin de faire du 130. Alors vous ne poussez pas votre moteur à fond ? À quoi bon ? Nous pourrions peut-être atteindre 180 km à l'heure. Mais la consommation de carburant serait hors de proportion avec le résultat. Et puis, de telles vitesses fatigueraient l'appareil. Soyons prudents. Qui veut voyager loin ménage sa monture. L'ingénieur était décidément la sagesse même, et sans patience s'applaudissait toujours davantage d'avoir découvert un si précieux collaborateur. En admettant que cette vitesse se maintienne, demanda-t-il encore, quand arriverions-nous en vue de New York ? Entre le Finistère et New York, répondit l'ingénieur, la distance doit être approximativement de 5300 km. Le calcul est facile à faire, nous arriverions après-demain matin. C'est donc deux nuits que nous sommes obligés de passer dans l'atmosphère, oui. Ça ne va pas être drôle, vous savez, de se trouver seul dans l'obscurité avec l'océan sous ses pieds. Il sera sans doute nécessaire de nous relayer au volant, afin que nous puissions dormir à tour de rôle. J'y compte bien. Vous me reprendrez tout à l'heure, lorsqu'il fera jour encore, afin que vous soyez familiarisé avec la nuit. Vous prendrez ainsi le premier quart jusqu'à minuit, heure à laquelle je vous remplacerai. D'ailleurs, le rôle n'a rien de fatigant, et au-dessus de la mer, un enfant s'en chargerait, puisqu'il n'y a évolué ni en direction ni en hauteur. Que ce vent continue et tout ira bien, d'autant plus que c'est le vent du beau temps. Continuera-t-il ? C'est ce que nous ne pouvons savoir. Mais ne règne-t-il pas sur l'océan des vents réguliers ? Pas sous cette latitude. Vous voulez sans doute parler des alizés et des moussons. Mais ceux-ci, dans l'Atlantique, comme dans le Pacifique, ne règnent guère qu'entre les deux tropiques. Par ici, c'est le régime dit des vents variables. Sous leurs pieds, l'océan étendait à perte de vue ses petits moutonnements glauques. Au-dessus d'eux, le ciel était d'un azur sombre, pas un nuage, et le soleil, déjà bas sur l'horizon, mettait des paillettes étincelantes sur le tournement régulier de l'hélice. Il était 3h30 quand ils rencontrèrent le premier gros navire. C'était un grand paquebot battant pavillon français. Comme eux, il faisait route à l'ouest. « Ce qui nous prouve que nous suivons le bon chemin, dit l'ingénieur. c'est certainement un transatlantique de la ligne Le Havre-New York. Sans y prendre garde, ils avaient gagné 300 mètres de hauteur. Néanmoins, sa jumelle aux yeux, sans patience, put voir nettement les passagers groupés sur le pont et faisant des gestes d'acclamation. Mais comme leur vitesse était quadruple de celle du paquebot, celui-ci fut rapidement distancé. 2 minutes après, le navire n'était plus qu'un point derrière eux. Que devaient penser les passagers en voyant l'esquif aérien s'aventurer si audacieusement au-dessus des vastes solitudes océaniques? Avant la nuit, ils rencontrèrent encore 5 navires, dont 2 grands voiliers. Un seul d'entre eux cinglait vers l'est. Les autres, eux aussi, voguaient vers le continent américain. Puis le soleil, devant eux, atteignit l'horizon liquide et lentement sembla s'y engloutir. Les 2 aviateurs avaient déjà changé de place, avec les précautions qui s'imposaient pour ne pas déséquilibrer l'appareil, et c'était maintenant sans patience qu'ils se trouvaient au volant. Les leçons qu'ils avaient prises à Étampes avec l'ingénieur l'avaient familiarisé avec la conduite, d'ailleurs très simple, du nouvel appareil. Aussi, au bout de quelques minutes, était-il aussi à son aise que possible à son poste de direction. Avant la tombée complète de la nuit, l'ingénieur vérifia soigneusement tous les organes qui se trouvaient à sa portée. Le moteur ronflait avec une satisfaisante régularité. Le graissage se faisait normalement. La hauteur de l'essence était à peine diminuée d'un quart, et ni les ailes ni le fuselage n'offraient à l'œil aucune trace de fatigue. Tout allait donc pour le mieux. Bientôt, à l'horizon, il n'y eut plus devant eux qu'un immense rougeoiement qui peu à peu s'éteignit. Au-dessus de leur tête, les étoiles s'allumèrent une à une et le crépuscule finit par faire place à la nuit.